la belle saison, il arrive parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau ou ailleurs. Pour tous travaux de construction ou de rénovation après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence 24 heures sur 24, nettoyeurs d'air et aussi conduite de ventilation. Pour nous rejoindre, composez le 88-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances aux équipes qui participent au championnat québécois de vélo de montagne ainsi que la Coupe du Québec de vélo de montagne qui a lieu en fin de semaine à Saint-Félicien. La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831, poste 27. Quand on veut se payer une bonne bouffe, le restaurant Midas est la solution. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs, menu à la carte qui comble tous les budgets. Le restaurant Midas au 1084 route 169 à Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88-679-0900. Toute notre équipe souhaite la meilleure des chances aux organisateurs et aux équipes qui participent au championnat québécois de vélo de montagne en fin de semaine à Saint-Félicien. En fin de semaine se déroule à Saint-Félicien la Coupe de Québec de vélo de montagne et également le championnat québécois. Quoi qu'il en soit, on va parler avec celui qui est responsable depuis plusieurs années, c'est Martin Demers. Salut Martin! Et bonjour. Martin, c'est encore une autre compétition cette année. C'est la Coupe, parce qu'on sait qu'on alterne des fois, c'est la Coupe canadienne, mais cette année, c'est la Coupe québécoise. Oui, c'est toute une Coupe du Québec, dans le fond, avec un championnat québécois. En fait, c'est le championnat québécois. C'est dans le fond, c'est sûr que ça attire un peu plus de compétiteurs. Dans le fond, ceux qui veulent être couronnés champions québécois doivent être allés à cette course-là. OK. Comment ça fonctionne? Je veux dire, est-ce qu'il faut s'attendre quand même à une bonne compétition? Oh oui, ben comme je te dis, c'est un peu la Coupe du Québec, mais dans le fond, ça compte le circuit de la Coupe du Québec, les deux courses. Okay. Mais quand même, il y a une course qui est comme celle de samedi, là, qui détermine un champion québécois. Il y a une course par année, dans le fond, pour déterminer le champion québécois. OK. Est-ce qu'il va y avoir... Fait que c'est comme deux titres, dans le fond. Il y a un chandail du champion québécois, puis il y a une course par année. Mais ce même gars-là pourrait gagner le circuit de la Coupe du Québec aussi. OK. Dans le fond, il y a deux titres, dans le fond. OK. Quels sont les athlètes à surveiller? C'est sûr que normalement, Victor Véraud aurait dû être là cette année. On connaît les problèmes de santé. Oui, effectivement, mais c'est sûr que Victor va être au repos pour cette course-là. Oui. Après ça, demande, il y a quand même les cyclones qui sont un gros club important, là. On s'attend que Léandre Bouchard sera pas là. Je pense pas que Léandre soit fait sur la Coupe du Monde présentement, là. Mais, tout un groupe de cyclones. De Saint-Félicien, il reste quand même Luc Ménard dans les mecs, là, qui peut percer, Alexandre Villeneuve gagne aussi, plusieurs bons coureurs de maître, qui sont quand même sur le circuit de la Coupe du Québec, là. Louis Dumas, quand même, qui performe très bien aussi. Donc, on a plusieurs quand même coureurs locales là, puis régionales qui devraient faire des bonnes performances à Saint-Félicien pour nous donner des médailles, un pote qui va devraient animer la foule, là, je pense. Ah ben ça va être très très intéressant. Donc ça commence samedi et par la suite. D'habitude il y avait toujours des compétitions en ville. Est-ce que ça va être Non, ça commence samedi au centre de ski, là, puis okay. Donc ça va. Toute la journée, il y a même un petit course à relais là, vers 4 heures dans l'après-midi. Après toutes les courses, il y a une course à relais pour les Pee-wee Minim Cadets qui pourra animer un peu le site. Après ça, il y a le lendemain, vous avez le contre-la-montre qui repart à 10 heures pour jusqu'à 14 heures. OK. Donc, on va surveiller ça. Comment ça va par la suite, les activités du club cette année? C'est sûr que... Globalement, ça va assez bien. C'est sûr qu'on a quand même eu un départ lent au cours du printemps tardif qu'on a eu cette année, avec les fortes pluies. Mais je pense que ça, on voit vraiment une augmentation de l'achalandage. Le vélo de montagne est en croissance présentement. Là, le vélo de, on va dire le vélo plus touriste un peu, là, des gens qui viennent faire de la randonnée de vélo de montagne. Ça croît un peu partout en province, parce qu'il y a plus de centres de vélo de montagne. Fait que je pense qu'on bénéficie un peu de cet achalandage-là accru. Puis le club va très, très bien. Je pense qu'on a beaucoup de projets sur la table. Puis la Coupe du Québec est un de nos événements qu'on va tenir cette année. Puis on tient aussi un raid, là, un parcours de 30 et de 60 kilomètres qui va avoir lieu en septembre. Dans le fond, ça va être le 9 septembre. Okay. Qui devrait amener une autre clientèle plus âgée, mettons. Ça fait que, bon, on s'attend que ça va être quand même de quoi de relever là, toute la saison au centre de montagne. OK. Donc, on va surveiller ça, évidemment, de très bien. Quand vous dites qu'il y a des projets, quels sont les projets? On travaille présentement avec la MRC de Domaine du Roy pour peut-être faire revivre un peu les circuits qu'on avait déjà eus, là. Les circuits dans les Hautes-Terres, c'est-à-dire de Saint-Félicien à la Dorée, puis peut-être en allant vers le lac Bouchette. Okay. Fait qu'on utilisait possiblement des sentiers existants, puis d'autres sentiers qui seraient créés pour créer des réseaux plus larges. Dans les Hautes-Terres, qui sont pas tellement quand même très loin là, de notre centre de montagne, puis ça pourrait créer des boucles là, intéressantes pour peut-être les touristes qui veulent venir faire des plus longues distances. OK. Donc, est-ce que vous attendez quand même à avoir... est-ce que vous pensez avoir des développements heureux au cours des prochains mois? Bien, on est dans les études présentement. Fait que surtout que ce soit assez concluant, on va faire les annonces en temps et lieu. OK. Bien, donc on rappelle, samedi matin, ça débute, c'est Autobosky. Ça commence à 8h30 avec les petites catégories, puis il y a 4 départs dans la journée. OK. Alors que ça veut dire que peu importe l'heure que vous vous présentez, là, il y aura toujours des courses qui vont être dans le circuit. Et ça le lendemain, le dimanche, c'est le contre-la-montre. Alors c'est un circuit de 9 kilomètres. Okay. Fait que je trouve que c'est moins visible en partant, mais quand il y a toujours du monde pareil qu'on voit arriver à l'arrivée avec des bons efforts pour remporter des médailles. Ben bravo, puis on se reparle très très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, Martin Demers, le responsable de l'activité Galion.